Sa provenance, monsieur Spock. Difficile à dire, mais aucune coordonnée axiale, pas de rapport possible. Si ça continue, il va surcharger ses générateurs. Il pousse beaucoup trop ses moteurs, monsieur. Il change encore de route. Il doit savoir que moi. Gardez bien contact, monsieur Soulo. Communication. J'ai vérifié toutes les fréquences, je crois qu'il refuse de s'annoncer. À moins qu'il ne nous reçoive pas. Oh, il nous reçoit très bien, soyez-en sûr. Approche d'une ceinture de météores, capitaine. Densité forte comme anomalie. Déflecteur, hein, monsieur Farrell. Lui aussi, il a vu ce stéroïde. Ne le perdez pas. Il va essayer de s'échapper. Je suis désolé sur le vaisseau, capitaine. Je dirais que c'est un petit navire de transport, un cargo de classe H. Essayez de l'avertir. C'est le permis de la puissance. Le moteur baisse, monsieur. Il dérive vers un nuage météorique, capitaine. Il est perdu. Qu'est-ce qu'on peut le protéger avec notre écran déflecteur? Capitaine, nos propres moteurs ne tiendront jamais le coup. Il est trop éloigné. Sa provenance, monsieur Spock. Difficile à dire, capitaine. Aucune coordonnée axiale, pas de rapport précis. Si ça continue, il va surcharger ses générateurs. Il pousse beaucoup trop ses moteurs, monsieur. Il change encore de route. Il doit savoir que nous poursuivons, capitaine. Gardez bien contact, monsieur Soulo. Communication. J'ai vérifié toutes les fréquences, je crois qu'il refuse de s'annoncer. À moins qu'il ne nous reçoive pas. Oh, il nous reçoit très bien, soyez-en sûr. Approche d'une ceinture de météores, capitaine. Densité forte comme un mètre. Détecteur, M. Farrell. Lui aussi, la vision terrible. Ah, j'arrive pas. C'est ça quoi?